Aujourd'hui, on va faire sensible l'histoire d'une rencontre du troisième type, l'une des plus grandes aventures ufologiques du XXe siècle, l'affaire dite de Valensole. Le 1er juillet 1965, dans l'arrière-pays provençal, un agriculteur est le témoin d'un phénomène mystérieux, une affaire qui fleure bon la science-fiction. On a eu beau consulter les spécialistes les plus éminents, l'énigme autour de l'apparition du 1er juillet 1965 perdure. Et plus de 50 ans après les faits, Valensole est devenu un lieu de pèlerinage et de rencontre pour tous les amateurs d'OVNI. Alors, que s'est-il réellement passé ce 1er juillet 1965 dans ce village du sud de la France? Quelles sont les hypothèses les plus crédibles pour expliquer ce curieux épisode dont a été témoin Maurice Masse? Et s'il s'agissait d'extraterrestres, pacifiques de préférence, imaginez la frontière que nous franchirions de savoir que notre monde n'est pas le centre du monde. Bon, ceci est du domaine du rêve. Affaire sensible se contentera du réel, des faits, des témoignages et de leur sincérité qui font tout le charme de ce récit. Notre invité aujourd'hui, le sociologue Arnaud Esquer, chargé de recherche au CNRS. Il est l'auteur de La théorie des événements extraterrestres, un livre paru aux éditions Fayard en 2016. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacoboviez et Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Est-il exact que des apparitions ont stoppé les moteurs de voitures dans les environs ? Il y a des chercheurs du CNRS qui ont fait des recherches privées sur ce phénomène et ils ont rassemblé une quantité de dossiers, de témoins qui affirmaient que leur véhicule avait été stoppé par des engins volants. Et ils sont arrivés à une conclusion qui est assez étonnante, c'est que la distance de l'engin par rapport au véhicule nécessitait une puissance de 2 millions de Gauss pour immobiliser le véhicule, c'est-à-dire pour créer un champ magnétique autour de la bobine susceptible d'arrêter tout allumage. Les chercheurs du CNRS qui ont fait ces recherches ont pris tous les témoignages et tombent sur des chiffres qui sont toujours les mêmes. Au milieu des années 60, scientifiques, experts et autres passionnés du paranormal s'invitent régulièrement sur les plateaux pour répondre aux questions des téléspectateurs face à la résurgence de phénomènes inexpliqués. Dans la séquence que vous venez d'entendre, l'écrivain Guy Tarade revient sur une série d'épisodes mystérieux survenus ces derniers mois un peu partout en France. À chaque fois, sans que l'on sache ni comment ni pourquoi, des automobilistes ont été victimes d'un arrêt de moteur. Oui, comme ça, d'un seul coup, sans raison. D'après les témoignages recueillis, certains d'entre eux auraient cru, apercevoir dans le ciel, au même moment, des halos lumineux blancs. Après enquête, et à vrai dire, personne n'est capable de déterminer le vrai du faux. Quant à l'opinion publique, elle se prend à rêver aux hypothèses les plus folles. Depuis l'affaire de Roswell en 1947, l'ufologie comprenait l'étude des objets volants non identifiés est devenue une science à part entière. Son objectif ? Recueillir, analyser et tenter d'interpréter les informations sur les objets volants non identifiés, les fameux OVNI. Effet de mode ou réelle préoccupation sociale ? Toujours est-il qu'à l'époque, plusieurs millions de personnes s'engouffrent dans la brèche créée par cette nouvelle discipline. De par le monde, poussent comme des champignons, hallucinogènes ou pas, groupes et communautés de passionnés, chacun suivant avec fascination les progrès d'une science encore balbutiante, mais dont les perspectives semblent immenses. Avec en toile de fond cette question délicieusement existentielle, sommes-nous seuls dans l'univers ? Si les États-Unis font figure de pionniers dans le domaine de la recherche des phénomènes spatiaux inexpliqués, la France n'est pas en reste. Pour percer le mystère autour de ces questions, les chercheurs ont depuis quelques années une structure, le GEPA. Fondé par trois hommes au parcours atypique, un général de l'armée de l'air, Lionel Max Chassin, un ingénieur de Matra, René Hardy, et un écrivain et penseur, René Fouéret, le groupe d'études des phénomènes aériens, le GEPA donc, est une association privée. Composé à ses débuts d'une soixantaine de membres, parmi lesquels des scientifiques, des érudits et des militaires, le GEPA se donne pour mission d'étudier les OVNI. Au micro de France Culture, Francine Fouéret, la femme de René, elle-même membre du groupe, en explique le fonctionnement. Ils ont fondé le groupement pour une recherche scientifique du phénomène. Parce que Hélas, dans cette étude, vous avez des gens qui rêvent en disant « Oh, ils vont venir nous sauver » ou des choses comme ça. Nous, ce n'était pas notre problème. L'ingénieur de la Matra disait « Nos fusées, un jour, ça sera de la ferraille. » Regardons comment ça manœuvre, puis c'était des manœuvres extraordinaires, magnifiques, silencieuses, des allers-retours à angle droit, des choses qu'on ne sait pas faire sur Terre. C'est pour ça qu'on a pensé que si nous, on ne pouvait pas le faire sur Terre, ça venait d'ailleurs. Donc, ils se sont dit « Étudions ce phénomène » pour pouvoir nous donner des idées de recherche. Apparition, enlèvement, boule de feu, flash lumineux dans le ciel, les thématiques sont variées, la qualité des comptes rendus d'enquête du GEPA interpelle la communauté scientifique. Très vite, certains chercheurs citent son travail à renfort d'articles dans la presse. Autre impact, en l'espace de quelques années, grâce en partie au GEPA, l'image peu reluisante des soucoupistes change. Désormais, sur les plateaux de télé, les porte-paroles de l'association éclairent le grand public avec des mots simples et un regard critique. Eh bien, c'est dans ce contexte qu'au début de l'été 1965 va survenir un curieux incident dans la région d'Aix-en-Provence. Un épisode insolite que les habitants vont qualifier de « rencontre du troisième type ». Vendredi 2 juillet 1965, village de Valensole, département des Hautes-Alpes de Haute-Provence. Nous sommes ici, à une quarantaine de kilomètres au nord-est d'Aix-en-Provence, sur un vaste plateau isolé où se mélange la culture de la lavande et celle des fruits, constituant un paysage de rêve, la Provence dans ce qu'elle a de plus exaltant. Aujourd'hui, une étrange rumeur perturbe la vie d'ordinaire si calme des Valensolais. Ici, elle alimente la spéculation dans les cafés, là, elle enflamme l'imagination chez l'épicier. Alors chacun y va de son avis et expose sa théorie toujours teintée d'inquiétude. C'est le patron du bar, un certain monsieur Mazon, qui en est à l'origine. Depuis le début de la journée, il raconte à tous ses clients qu'un de ses amis agriculteurs aurait aperçu la veille une soucoupe volante. Oui, dans son champ, si vous voulez tout savoir. Non. Si, je vous l'assure. L'information parvient très vite aux oreilles des gendarmes. Et il se trouve que le capitaine Valnet et ses hommes prennent l'affaire au sérieux. Ils décident d'auditionner l'agriculteur en question, un certain Maurice Masse. En ce vendredi 2 juillet, il est un peu plus de 20h lorsque l'interrogatoire commence. Âgé de 41 ans, Maurice Masse se présente face aux gendarmes, cigarette à la bouche et chapeau de paille sur la tête. La peau tannée par le soleil, les mains fatiguées par le travail de la terre, la tête rentrée dans les épaules, lui que l'on connaît d'ordinaire si jovial, semble ce soir bouleversé. Après quelques questions de routine, les gendarmes demandent à Maurice Masse de leur dresser son agenda d'abeille. L'homme se lance dans le récit de cette journée hors du commun. À 5h30 du matin, il raconte avoir quitté son domicile pour se rendre à son champ de lavande, situé à quelques kilomètres du centre-ville. Il n'a rien mangé, rien bu non plus. Une fois sur place, il explique aux gendarmes avoir, comme à son habitude, commencé par biner la terre autour de ses lavandes. Puis, après un quart d'heure d'effort, il fait une pause cigarette. Il est alors 5h50 à sa montre. Et c'est à ce moment précis qu'un sifflement strident se fait entendre au loin, derrière lui. Stupéfait, le témoin dit avoir escaladé un tas de pierres. Et là... Je me suis dirigé vers l'endroit d'où semblait provenir le bruit. J'ai alors constaté qu'un engin était posé là, en plein milieu de mon champ. Il était de couleur mate, et au premier abord, il m'a semblé qu'il était aussi grand qu'une Renault Dauphine. Sa forme était celle d'un ballon de rugby, sauf qu'il avait une porte à glissière sur le côté et des petites pattes d'araignée pour le maintenir au-dessus du sol. À côté, il y avait un homme. Il portait une sorte de combinaison. Il avait la tête nue, les mains vides. Il regardait la lavande. Maurice Masse estime qu'il était à un peu plus de 60 mètres de l'objet. À cette distance, le personnage qu'il aperçoit ne semble pas bien grand, mais corpulent, trapu, quoi. Pour en avoir le cœur net, l'agriculteur tente de se rapprocher, mais à peine a-t-il fait quelques pas que l'étrange individu se redresse. Alors que je marchais dans sa direction, le passager de l'engin m'a soudain aperçu. Et en quelques rapides mouvements, il est remonté dans l'appareil. J'ai alors entendu un bruit sourd et l'engin s'est élevé dans le ciel, puis a disparu presque immédiatement. Je dirais qu'il est parti en direction de Manosque. Après 45 minutes, la première audition de Maurice Mas s'achève. Les gendarmes se regardent, interloqués. Mauvaise blague ou présence furtive mais réelle d'un ovni? Pour en avoir le cœur net, le capitaine Valnet et ses hommes se rendent sur le champ de l'agriculteur. Il fait nuit noire, un croissant de lune éclaire la lavande. À l'aide de leurs lampes de poche et grâce aux phares de leur camionnette, les gendarmes progressent avec précaution jusqu'à la zone où aurait eu lieu le décollage de l'engin. Après une vingtaine de mètres, ils tombent nez à nez sur une trace étrange dans la terre, une petite cuvette d'un peu plus d'un mètre de diamètre qui présente au centre un trou d'une quarantaine de centimètres de profondeur. Autour, les hommes du capitaine Valnet découvrent quatre sillons de plus de 2 mètres de longueur qui forment une sorte de croix. À cet endroit, justement, la terre est très compacte, au point que l'un des militaires affirmera par la suite avoir eu l'impression de marcher sur du béton. Croquis, sélection d'échantillons et prise de notes, le capitaine Valnet ne laisse rien au hasard. Mais très vite, il doit se rendre à l'évidence, il ne comprend pas ce qu'il voit. Dès le lendemain matin, le 3 juillet, sans attendre les conclusions de l'enquête, la nouvelle de l'apparition de Valensole se propage dans toute la région. Des dizaines de journalistes affluent dans le champ où aurait eu lieu la rencontre et, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, piétinent de possibles indices. Ensuite, ils encerclent la maison de l'agriculteur afin d'obtenir son témoignage. La presse nationale s'intéresse également à l'histoire de Maurice Mas. À la radio, le célèbre vulgarisateur scientifique Albert Ducrot se montre dubitatif. Enfin quoi? Un homme qui serait venu d'une autre planète, d'un autre monde, c'est absolument impensable. Quant à l'engin, il me semble bien trop petit pour avoir effectué un voyage d'une telle distance. Invité lui aussi à s'exprimer, Aimé Michel, l'un des ufologues membres du GEPA, explique que ce que Maurice Mas a vu dans son champ correspond à quelque chose de conforme à ce qu'on a déjà observé par le passé. Un cas similaire s'était produit un an plus tôt à Socorro aux États-Unis, un épisode connu jusqu'alors des seuls initiés. Alors, Maurice Mas, affabulateur ou témoin sincère d'un véritable phénomène inexpliqué? Les reporters de l'ORTF se rendent à Valensole. Ils rencontrent le patron du bar, Monsieur Mason. Valensole est en émoi depuis 48 heures avec l'apparition d'une soucoupe volante. Je me trouve au Café des Sports de ce charmant petit village. Il fait très chaud, les joueurs de belote s'en donnent à cœur joie. Dites-moi, messieurs, le principal témoin de l'affaire, Monsieur Mas, est parti en vacances. Est-ce que quelqu'un pourrait me raconter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu ou à qui on a raconté quelque chose? Allez, ouais, Monsieur Moisson. Le patron de l'établissement, Monsieur Moisson. Allez. C'est aujourd'hui... Monsieur Masson est aujourd'hui la vedette du village. Vous fûtes en quelque sorte le confesseur de Monsieur Mas qui était dans son champ lorsqu'est apparue cette soucoupe volante. Alors racontez-nous. Ça, la matinée, Maurice Mas est venu, c'était un ami, et il m'a raconté qu'il avait vu un engin se poser dans son champ. Et oui. il m'a dit de ne pas en parler, vu qu'il serait peut-être embêté. Ou... Alors effectivement, d'après vous, est-ce qu'il y a eu une soucoupe volante à Valensole? Moi je crois, parce que d'après les empreintes qui se sont produites sur le terrain de Monsieur Mas... Effectivement, un engin s'est posé là-dessus. Les empreintes sont très visibles. Sont très visibles, oui. Et ce n'est pas quelque chose qui peut être fait par des amateurs? Non, par aucun appareil connu, je ne crois pas. Et est-ce que M. Mas est une personne qui s'amuse à faire des blagues de temps en temps? Non, moi, là, j'ai eu l'impression que vraiment, il a dit la vérité, parce que vraiment, il était un peu émotionné de l'engin qu'il avait vu. Hein. Maurice Mas, Média. Le voilà devenu une vedette nationale. Épaulé par les renforts venus de Marseille, le capitaine Valnet et ses hommes auditionnent tout de même les riverains, analysent la terre, demandent l'avis des scientifiques. Car pour eux, une chose est sûre, un engin s'est bien posé dans le champ de Maurice Mas. C'est un fait et il est incontournable. Pour l'instant, c'est l'hypothèse d'un hélicoptère qui semble la plus rationnelle. Mais les gendarmes ont toujours un sérieux doute. Un modèle militaire expérimental? À cette époque, il est vrai, des exercices sont en cours dans la région, mais l'armée dément toute implication. Alors, un appareil étranger? Sollicité, le contrôle radar de la base aérienne d'Istres se refuse à tout commentaire. L'autre hypothèse, un temps envisagée, est celle d'une plaisanterie réalisée par une bande de gamins des environs. Ces derniers auraient pu creuser eux-mêmes le trou et dessiner les marques dans le champ de l'agriculteur. Ensuite, ils auraient attendu l'arrivée matinale de Maurice Mass et ils auraient pointé sur lui de fortes lumières afin de l'éblouir. Puis, ils auraient pris la fuite à travers champs. À ce niveau, l'enquête de voisinage ne donne rien. Personne à Valensole n'a, semble-t-il, vu ou entendu parler d'un scénario de ce genre. Mais s'ajoute un élément troublant à un autre. Les sillons tracés au sol sont parfaitement rectilignes et leur alignement ne peut être que le résultat d'un travail fait main. Impossible. Alors quoi? Une machine? Oui, mais laquelle? Et pourquoi? La dernière hypothèse, un mensonge de l'agriculteur, qu'il ait voulu transporter le récit d'une autre affaire qu'il aurait lue dans la presse pour faire parler de lui. Pour le capitaine Valnet, cette piste ne tient pas à la route. Partout, dans Valensole, en effet, M. Mass est qualifié de bon vivant, drôle et serviable pour les uns, homme simple et disponible pour les autres. Alors, inventer une telle histoire, résume l'instituteur du village, il y a quelque chose qui ne tient pas à la route, conclut-il. Assez convaincant. À 600 km de là, à Paris, on suit avec une attention toute relative les événements de Valensole. Dans une très large majorité, les journalistes traitent l'affaire sur le ton de la mauvaise blague. Mais comme pour un mariage princier du côté des Windsor, l'opinion, elle, se prend de passion pour cette histoire. Dans les jours et les semaines qui suivent, au cœur de l'été 65, chaque récit d'apparition est disséqué, analysé, largement relayé par la presse, au point que certains observateurs avancent l'idée que le nombre de ces phénomènes serait beaucoup plus important qu'avant. Trouble fait, le professeur d'astrophysique Evry Schatzman réfute cette idée. Il suffit que un article de presse, par exemple, attire l'attention dessus pour qu'aussitôt on en découvre un nombre beaucoup plus grand. Je ne crois pas qu'en réalité leur nombre soit intrinsèquement changeant beaucoup d'une année à l'autre. Il s'agit simplement d'une attention différente qui est portée par le public à des phénomènes lumineux d'ordre varié et dont la plupart ont reçu une explication parfaitement normale et rationnelle, telle que étoiles filantes, halos de diverses sortes, phénomènes tenant du mirage, c'est-à-dire réflexion de lumière par des couches atmosphériques réfringentes, et il y en a comme ça une liste considérable. Alors, il reste un très petit nombre de phénomènes qui n'ont pas d'explication satisfaisante, mais qu'il est extrêmement difficile d'expliquer dans la mesure où tout ce dont on dispose, ce sont des témoignages et non pas en réalité de véritables observations scientifiques. Dans les rues de Valensole, en cette fin du mois de juillet 1965, l'agitation ne retombe pas. Mais le principal intéressé, Maurice Mass, a disparu. Victime de graves troubles du sommeil et de crises d'angoisse après sa rencontre, il serait parti se reposer chez les proches, quelque part, du côté de la Côte d'Azur. Par milliers, les curieux continuent d'affluer à Valensole. Certains ont fait le voyage en camping-car, venus de toute la France, d'autres de Belgique ou encore d'Angleterre. Ils veulent voir de leurs propres yeux, fouler de leurs propres pieds, le lieu où s'est produit l'étrange phénomène. Mais il n'y a pas grand-chose à voir, mesdames, messieurs, non. Bon, à part un petit trou creusé dans le sol, ça va pas très loin. Alors, le soir, amateurs et passionnés scrutent le ciel avec de petits télescopes rudimentaires à la recherche du vaisseau extraterrestre de Valensole. Peine perdue. Bien que... He's a real nowhere man, sitting in... Nowhere man, please listen, you don't know. 13h si vous préférez. Voici Interactualité présenté par Michel-Pierre Texier. Dans trois endroits bien différents et très éloignés les uns des autres, la Tunisie, l'Afrique du Sud et l'Antarctique, des observateurs ont récemment aperçu des soucoupes volantes. Les faits sont troublants, l'opinion publique s'interroge de nouveau sur ces nouvelles apparitions. Des savants se sont intéressés à cette affaire. Depuis très longtemps aux États-Unis, une commission spéciale recense ces phénomènes non encore expliqués. Au milieu du mois d'août 1965, les histoires d'OVNI continuent de faire l'ouverture des journaux. Chaque jour ou presque, un peu partout à travers le monde, on croit voir E.T. L'euphorie des journalistes à ce sujet est telle que certains écrivent. Au point où on en est, il y a fort à parier qu'on assistera d'ici à la fin de l'année au premier atterrissage d'un vaisseau venu d'une autre planète. La question n'est plus de savoir quand cela se produira, mais bien de savoir dans quel pays choisiront nos nouveaux amis pour établir un premier contact. Et là, d'un seul coup, on se rappelle Valensole. Le 18 août, en effet, Maurice Mas se présente de nouveau à la gendarmerie du village et il fait d'étonnantes révélations. Lorsque vous m'avez interrogé la première fois, je ne vous ai pas révélé tout ce que j'avais vu. Car c'était tellement extraordinaire que j'ai eu peur que vous me preniez pour un fou et que vous décidiez de me faire enfermer. Maurice Mas explique aux gendarmes que sur le moment, la rencontre l'a traumatisé, mais qu'aujourd'hui, il a repris confiance et qu'il est maintenant décidé à dire tout ce qu'il a vu. S'il reprend les grandes lignes de sa première déclaration, notamment pour ce qui concerne la forme et la taille de l'appareil, il ajoute qu'il se serait approché, en fait, à 7 mètres, et non pas à 60, du vaisseau, mais surtout qu'il aurait fait face non pas à un, mais à deux individus. Dès le départ, je me suis rendu compte que je n'avais pas affaire à des hommes normaux. Alors, pendant que je me rapprochais d'eux, je ne les quittais pas du regard, je tentais de les décrire. D'après moi, ces deux êtres n'étaient pas très grands, ils devaient faire un peu moins d'un mètre de hauteur. Ce qui m'a surpris, c'est la taille et la forme de leur tête. Elles semblaient deux ou trois fois plus grandes que celles d'un homme normal. Et surtout, leur visage m'a stupéfait. Ils avaient deux grandes oreilles, pas de menton, un trou rond à la place de notre bouche et des yeux sans sourcils qui ressemblaient aux nôtres. Enfin, ils avaient un crâne allongé, sans aucun cheveu. Et comme je vous l'ai déjà dit, leur corps était recouvert d'une sorte de combinaison assez foncée d'une seule pièce. Les gendarmes écoutent perplexes le récit de Maurice Mas. Dois-je continuer à écrire ? Demande l'un d'eux au capitaine Valnay. Le chef des gendarmes lui fait signe que oui, il doit continuer. Bien. L'agriculteur poursuit. Je devais être à 6 ou 7 mètres d'eux lorsqu'ils se sont retournés vers moi. Puis, le premier a pointé son bras et sa main droite dans ma direction. À ce moment précis, je me suis retrouvé immobilisé. Je ne pouvais plus faire un seul mouvement. Je ne ressentais plus rien. Mon corps n'était ni engourdi, ni contracté, mais je ne pouvais faire aucun geste. Je ne pouvais même pas remuer la tête, mes bras, mes jambes ou le reste de mon corps. Transmis aux membres du GEPA, le procès-verbal est lu et relu par les experts. C'est la première fois qu'un homme fait part d'une rencontre avec autant de détails et surtout c'est le premier cas de paralysie. Interrogé par les gendarmes, les contrôleurs aériens basés à l'aéroport de Marignane à Marseille affirment que d'après leurs enregistrements, il n'y avait aucun appareil en vol à basse altitude dans la zone autour de Valensole le 1er juillet dernier. De son côté, l'armée de l'air refuse toujours de livrer la moindre information dans une affaire qui, de l'avis de l'un de ses porte-paroles, possède un caractère hautement farfelu. Bref, autant s'adresser à un mur. Malgré ce nouveau témoignage, le capitaine Balmé piétine et on vient se poser la vraie question. Et s'il n'y avait pas d'explication à la rencontre de Maurice Masse le 1er juillet dans son champ, tout simplement? Interrogé à la télé, l'écrivain et ufologue Guitarade penche, c'est son rôle, pour une visite extraterrestre. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gendarmes qui habitaient Valensole et il ne fait aucun doute que M. Masse était de bonne foi. Et il y a eu d'autres personnes qui ont vu des engins à Valensole. Lors de cet atterrissage, l'engin a laissé des traces sur le sol. Et ces traces, je connais un ingénieur électronicien qui est allé faire des prélèvements. Et celui-ci affirme que la Terre a été séchée comme par un rayonnement électrique. Ensuite, et bien ensuite les mois, puis les années passent. Mais à Valensole, le mystère perdure. Maurice Masse, profondément traumatisé par l'affaire, se terre à son domicile. Près de 10 ans après les faits, l'un des plus grands physiciens français va relancer l'affaire. Yves Rocard, le père de Michel. Éminent chercheur, il suggère que derrière cette apparition pourrait se cacher une sombre affaire d'espionnage électronique entre la France et les États-Unis. Sur la base de documents déclassifiés auxquels il a eu accès, il énumère une série de coïncidences troublantes. Début juillet 1965, à quelques jours de l'apparition des appareils espions de la 6e flotte américaine pour la Méditerranée, alors stationnée sur la base des Villefranche-sur-Mer, aurait été détectée au-dessus de la région d'Aix-en-Provence. Leur mission allait mesurer l'effet des ondes émises ou captées par le centre de détection radar de Valensole, dont la fonction était d'informer l'État français des lancements de fusées spatiales réalisés à Cap Canaveral en Floride. Simple hypothèse, mais renforcée par l'interception 15 jours plus tard d'un autre avion espion américain au-dessus de la centrale nucléaire de Pierrelatte, à 80 km au nord-ouest de Valensole. Alors, cet appareil qui s'est posé dans le champ de Maurice Masse, c'est un engin américain? Un prototype qui a rencontré un problème technique et qui était contraint de se poser? Là encore, impossible de le dire, mais l'hypothèse fait son chemin, elle tient la route. Les ufologues se passionnent et se déchirent sur le dossier Valensole. Dans un numéro spécial de sa revue, un membre du GEPA, magistrat de formation, propose une enquête très fouillée sur le sujet. Après plusieurs entretiens avec Maurice Masse, il affirme « Je suis personnellement enclin à penser que le champ de la vente de M. Masse a été l'objet d'une visite insolite et, semble-t-il, extraterrestre. » Spécialistes mettent en doute le récit de l'agriculteur valensolais. Pourquoi a-t-il attendu la fin de la journée pour raconter ce qu'il a vu? Pourquoi n'en a-t-il pas parlé à tout le monde et qu'il n'en a parlé qu'au patron du bar, M. Mazon? Pourquoi ne pas avoir alerté tout de suite les gendarmes? Interrogé sur France Inter, le secrétaire général de l'Union Astronomique Internationale, Jean-Claude Pecker, plaide en matière de témoignage pour le cas par cas. Ce n'est pas que nous fermons les yeux en face de tous les phénomènes nouveaux. Pas du tout. Chaque fois que des phénomènes se présentent, comme Schatzmann l'a dit, il faut les étudier avec soin, individuellement, et faire la théorie physique, etc. Nous ne pensons pas qu'il n'y ait pas de vie dans l'univers. Nous ne pensons bien au contraire. Nous sommes certains qu'il y a de la vie dans l'univers. Nous connaissons de la vie végétale sur Mars, par exemple. Nous sommes certains que c'est un problème extrêmement intéressant que de se préoccuper de l'existence d'autres systèmes planétaires que le nôtre, que de se préoccuper de l'existence de vie végétale ou animale sur d'autres planètes que la nôtre. Simplement, nous pensons que la méthode prise par des gens qui n'ont pas en général la qualification pour le faire n'est pas la bonne, et que en le faisant, il jette un doute extrêmement grave dans l'esprit du public. En 1979, le célèbre astronome et ufologue Jacques Vallée rencontre Maurice Mass pour une série d'échanges sur l'affaire. Si rien ne filtre sur les propos échangés entre les deux hommes, on sait aujourd'hui que l'agriculteur aurait confié à l'ufologue avoir revu par la suite des ovnis la nuit et surtout qu'il aurait masqué de nouvelles traces d'atterrissage dans son champ. Maurice Mass meurt le 14 mai 2004, emportant avec lui ses secrets. Plus de 50 ans après les faits, l'affaire de Valensol reste l'un des plus grands dossiers de l'ufologie française. Affaires sensibles. Aujourd'hui, rencontre du troisième type à Valensole. Notre invité, Arnaud Esqueret, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS et vous êtes l'auteur du livre La théorie des événements extraterrestres, paru aux éditions Fayard en 2016. Alors, c'est toujours charmant ces histoires, parce que quand la science, on va dire que c'est une science, l'ufologie, nous dit que 2 et 2 ne font pas forcément 4, ben je trouve que c'est tout à fait charmant et que ça nous sort un peu de nos certitudes. Donc il y a ce côté mystérieux. En revanche, quand des gens disent avoir vu des phénomènes comme cela, c'est très compliqué pour eux. C'est très compliqué parce que peut-être sont-ils, et probablement sont-ils, totalement sincères. Et nous, on a du mal à les croire quand on entendait Monsieur Mas nous raconter le physique des extraterrestres qu'il aurait rencontrés. On se dit, mais il a vu trop de films. Et peut-être que ce qu'il l'a vu, il l'a vraiment vu. Donc comment aborder les témoignages de façon sérieuse? Eh bien, en les mettant en série et en regardant la masse des témoignages. C'est-à-dire que si vous collectez ce que fait notamment un département qui s'appelle le GEPAN à l'intérieur du Centre National d'Études Spatiales, un ensemble de témoignages de gens qui disent avoir vu quelque chose dans le ciel dont ils ne savent pas ce que c'est et qui est qualifié de phénomène aérien non identifié. Et si vous examinez l'ensemble de ces témoignages, vous apercevez que pour la très grande majorité d'entre eux, ils ont une structure commune que j'ai analysée et à laquelle cependant ne correspond pas le témoignage de Maurice Mas. Il y a un certain nombre de points sur lesquels il diffère et sur lesquels on pourra revenir. Mais si vous voulez, en fait, la plupart des gens ils se promènent, ils ont une activité quotidienne, ils roulent dans leur voiture, ils fument une cigarette, promènent leur chien, etc. Et tout d'un coup, dans le ciel, ils voient quelque chose. Et c'est quelque chose, ça peut être une forme, ça peut être une lumière, ils ne savent pas l'identifier. Et cette chose, soudainement, se soustrait à leur vue, et la plupart du temps, en général, c'est silencieux. Et ça les laisse face à une énigme, ils ne savent pas ce que c'est, ils font tout un tas d'évaluations, c'est-à-dire ils se disent est-ce que c'est un avion, c'est pas un avion, est-ce que c'est... C'est pas des hurluberlus, quoi. On parle de genre. Il y a un certain nombre de témoignages, et par ailleurs, il y a un grand nombre d'enquêtes qui peuvent être faites à la suite de ces témoignages, qui peuvent être déposées ou bien auprès de la gendarmerie, ou bien auprès du GEPAN au Centre National d'Études Spatiales, et les enquêtes qui sont faites peuvent expliquer un grand nombre de témoignages. Ça peut être, par exemple, la Station Spatiale Internationale qui a été vue dans le ciel, ça peut être un ballon météo. Pardon, vous coupez, justement, pardon, parce que dans le ciel, effectivement, ça peut être plein de choses. De météorites qui se baladent, enfin, moi, je connais rien, mais il y a tout un tas de choses. Mais il y a une différence entre ce qu'on peut voir dans le ciel et qu'on n'identifie pas, et des traces sur la Terre. Ça, c'est différent, quand même. C'est un autre niveau. Bien sûr. Alors, il y a un certain nombre de témoignages, mais qui sont assez réduits, dans lesquels vous trouvez des indices qui sont corrélés à ce qui a été vu. Alors, vous pouvez avoir les traces au sol. Il y a d'autres éléments qui peuvent être, par exemple, des animaux qui peuvent être signalés, par exemple, des animaux qui ont des comportements inhabituels, ou alors des appareils électriques, ce dont on a fait référence dans un des témoignages, où il y a des voitures qui s'arrêtent, un poste de télévision qui ne marche plus, etc. Et donc ça, c'est un certain nombre d'indices qui sont souvent indiqués. Cela étant dit, si vous voulez, y compris pour les traces au sol, il y a un certain nombre d'explications qui peuvent être avancées et qui sont souvent, ou bien il y a parfois des phénomènes qui sont des phénomènes de végétation, en fait. Par exemple, les cercles de fées qui sont des champignons qui poussent en rond. Ça, c'est très mystérieux. Ou bien vous avez tout un tas d'autres explications possibles qui peuvent correspondre à des engins qui sont passés. Donc on peut expliquer un certain nombre de traces au sol. Ce qui m'a intéressé dans le cas dont on parle, ça a été d'examiner de près le témoignage, les trois témoignages de Maurice Mas. Alors vous avez raison de recentrer l'affaire sur Valensole. Parfait, je voudrais juste quand même une dernière question. Vous posez une dernière question globale. Il y a effectivement des phénomènes qui paraissent inexpliqués, les scientifiques arrivent à les expliquer, mais on a aussi une proportion de choses vues que les scientifiques n'arrivent pas à expliquer, on est bien d'accord. Il y a bien un moment où aucun scientifique ne peut dire « j'ai la réponse ». Est-ce que c'est majoritaire ou est-ce que c'est marginal, ça? Il y a des cas de témoignages, hein, donc il faut toujours voir que ce sont des récits qui ne sont pas expliqués, et notamment parce que ce sont des témoignages qui sont souvent uniques, et on n'arrive pas à trouver de correspondance avec d'autres types de phénomènes et le témoignage du témoin. Donc il y a un certain nombre de cas minoritaires. Je pense, si vous voulez, que cette forme de témoignage correspond à quelque chose comme une sorte de forme propre de récit qui est comme le récit fantastique. Voilà. Alors, on revient sur l'affaire de Valensole, et je vous laisse repartir sur le chemin que vous vouliez emprunter tout à l'heure. C'est-à-dire que l'affaire de Valensole, elle a une particularité, c'est qu'elle fait état d'extraterrestres. Et donc ça, c'est très différent de l'ensemble des récits qu'on a. Mais il faut voir que, et c'est le travail que j'avais, c'est que quand vous racontez une expérience que vous avez vécue, vous respectez certaines règles de manière inconsciente. Et parmi ces règles, notamment, vous récitez les événements dans l'ordre dans lequel vous les avez vécus. Oui. C'est-à-dire, vous ne faites pas de flashback, vous anticipez pas, etc. Ce qui a l'air... c'est ce qu'on voit tous les jours dans la fiction, dans les films, etc. Mais en fait, quand vous racontez l'histoire que vous avez vécue, vous respectez l'ordre des événements dans lesquels vous avez vécu. Or, ça, c'est une chose que Maurice Maas ne fait pas. Il fait des flashbacks à l'intérieur de ses récits quand on les regarde de près. Et il y a un certain nombre d'autres éléments, c'est que il met toute une série d'événements, c'est-à-dire il raconte en fait tout ce qu'il fait avant et puis tout ce qu'il fait après l'avoir vu les extraterrestres. Et alors que dans la plupart des récits, ils sont centrés, si vous voulez, sur l'apparition et la disparition la soucoupe, et tous les indices qui sont dans les récits majoritaires visent en fait à résoudre en quelque sorte l'énigme, alors que Maurice Maas, et on voit ça dans d'autres récits minoritaires où il y a des extraterrestres, en fait ajoute des tas d'indices qui n'ont rien à voir, si vous voulez, avec les extraterrestres. Et alors, ça le rend plus crédible ou moins crédible, ça ? Non, ça rend en fait ce récit moins crédible. Ah, il est absolument clair pour moi que ce récit, par rapport à la grande majorité des récits, est un récit qui ne correspond pas aux critères qu'on dirait des récits d'une expérience qu'on a vécue. D'accord. Quand même, l'un des éléments qui vous a interpellé, je crois, c'est le bruit qu'a entendu Maurice Maas. En effet, ça c'est encore un écart par rapport aux autres types de récits, parce que dans un grand nombre de récits, les gens voient quelque chose, les témoins voient quelque chose, et il n'y a pas de son. Or là, dans le récit, dans les témoignages de Maurice Maas, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il entend d'abord un son, et ensuite il va voir quelque chose. Et donc ça, il y a un caractère, si vous voulez, d'anomalie par rapport à la majorité des récits. Les faits se déroulent en 1965, il faut le rappeler, à une période où l'ufologie et le mystère, on le voit en poupe quand même, ça a pu porter ça. C'est les années 60 et le début des années 70 sont des années dans lesquelles vous avez un grand nombre d'articles, de romans qui mettent en scène les extraterrestres. Il faut se souvenir qu'il y a un magazine qui a eu une certaine popularité qui s'appelait Planète, qui était très populaire sur ces sujets. Il y a tout à fait un contexte, si vous voulez, par rapport à un contexte d'un point de vue littéraire et cinématographique par rapport à ça, y compris d'ailleurs, par exemple, à la radio, vous vous souvenir qu'il y avait sur France Inter, Jean-Claude Bourret, dans les années 70, qui a déjà consacré une émission à l'affaire de Valensole. Bon, ça fait longtemps, hein, voilà, donc on peut aussi en refaire une autre 30 ans après, c'est ça ? Avec un autre regard. Tiens, en parlant d'autres regards, on va écouter un autre témoignage. Les pilotes de ligne, hein, ceux qui pilotent les avions dans lesquels nous montons, sont des gens éminemment responsables, hein, c'est pas des hurlus-berlus. Et on va écouter le témoignage justement d'un pilote de ligne, anonyme, hein, qui dit avoir assisté à des phénomènes étranges en plein ciel, là où il séjourne. Donc ça a commencé en Belgique en 1990. J'ai aperçu une boule verte fluorescente de la nuit qui est passée très près de mon avion. Donc j'ai pas trop analysé la chose, mon collègue non plus. Et trouvant pas de réponse, on s'est pas posé beaucoup de questions sur le phénomène. Par contre, quelques mois plus tard, donc en revenant d'un vol de nuit toujours sur les pays nordiques, j'ai croisé effectivement quelque chose de lumineux qui était en région parisienne. Quelque chose qui avait été signalé par un pilote qui était dans un avion précédent. Donc ce pilote avait signalé au contrôle aérien un phénomène lumineux avec des hublots près de son appareil. Moi, ayant entendu ce message, j'ai commencé bien sûr à observer un peu à l'extérieur de l'avion. Et là, je passais vertical la base aérienne de Creil, de laquelle décollait un Mirage avec post-combustion, un intercepteur en fait, de reconnaissance. Et j'ai pensé qu'effectivement, il y avait une alerte déclenchée suite à cette observation. C'était lumineux, c'était comme si une boule était se trouvait dans les nuages, ça éclairait le ciel. Bon, c'était immobile apparemment. Et donc, je me suis posé environ 10 minutes, un quart d'heure plus tard sur l'aérodrome de Toussus-le-Noble, où l'équipage qui me précédait était interrogé par des hommes qui étaient en costume, cravate. Voilà, est-ce que dans ce genre d'affaires, le statut de témoin importe plus que la qualité du témoignage? Je vous dis ça parce qu'encore une fois, un pilote de ligne, c'est considéré à juste titre comme quelqu'un de responsable. Alors, dans les témoignages, les gens en général se présentent comme sérieux. C'est-à-dire, ce qu'ils veulent, c'est essayer de résoudre l'énigme qui s'est posée par rapport à ce qu'ils ont vu. Et il faut souligner que vous avez un certain nombre de témoignages qui sont faits par des gens dont la profession est précisément d'observer le ciel. C'est-à-dire un certain nombre de professionnels qui travaillent dans le monde de l'aviation, par exemple, parce que eux, ils sont habitués à regarder ce qui se passe dans le ciel, ou bien des militaires qui sont habitués aussi à surveiller le territoire. Cela étant dit, malgré ou bien qu'ils aient une sorte de formation professionnelle, si vous voulez, qui accroît leur attention par rapport au ciel, quand on examine leurs témoignages, en fait, ils correspondent à des témoignages classiques, si je puis dire, d'autres personnes dont ce n'est pas le métier d'observer le ciel. Donc le fait de voir quelque chose de lumineux tout à coup et qui disparaît soudainement dont on ne sait pas ce que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans un grand nombre de témoignages. Ce qui va différer, ça va être la couleur de la lumière, par exemple. Donc il y a des lumières orangées, des lumières vertes, tout un tas d'autres lumières. Cela étant dit, encore une fois, vous avez aussi un certain nombre d'explications qui ont pu être avancer par rapport à ces lumières. Qu'est-ce qui fait courir les ufologues? Est-ce qu'ils nous disent, est-ce que ce sont des rêveurs ou simplement des gens qui nous disent, mais ne détournez pas le regard de ce que vous ne comprenez pas? Je pense, si vous voulez, que le type de récits qui sont liés aux phénomènes aériens non identifiés sont extrêmement excitants. Mais c'est vrai, mais bien sûr que c'est excitant. C'est très excitant, oui. C'est très excitant. Parce que il se réfère aussi à des éléments qu'on va trouver dans la littérature, dans le cinéma, etc. Donc, il y a, je pense, cette excitation qui est nourrie beaucoup par la littérature et le cinéma. Mais vous, par exemple, puisque vous êtes là, je vous pose la question, est-ce que vous dites ce qu'a vu M. Mas, il l'a bien vu, quand même, ces extraterrestres, ces humanoïdes, sans cheveux, avec des crânes pointus, qu'est-ce que vous dites au fond de vous-même? Alors, en tant que personne rationnelle. En tant que personne rationnelle, ayant examiné un grand nombre de récits, qui était sur ces sujets, je n'accorde aucune crédibilité, malheureusement, pour l'attrait de l'histoire au témoignage de Maurice Mas si je l'examine de près. Et notamment, si vous voulez, une des choses qui est caractéristique en fait du fait que ça proche de la science-fiction et non pas d'un ensemble de témoignages, c'est que si vous voulez, très souvent dans les témoignages d'ailleurs, comme on a entendu pour le pilote, c'est que on voit quelque chose dans le ciel et on ne sait pas ce que c'est. Or, dans la science-fiction, très souvent, vous avez des extraterrestres qui sont mis en scène, et le problème, c'est pas qu'on sait pas si ce sont des extraterrestres ou pas, mais c'est qu'on connaît pas leurs intentions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font là? Est-ce qu'ils sont méchants? Est-ce qu'ils sont, ils sont venus pour nous aider? Et là, au fond, l'énigme est complète, c'est-à-dire pourquoi des extraterrestres viennent dans un champ de lavande. On ne connaît pas leur intention. Parce qu'ils ont bon goût, peut-être, ils ont un odorat développé. C'est beau, la lavande. Plutôt atterrir dans un champ de lavande qu'un champ de betterave, non? Écoutez, j'étais un extraterrestre, j'irais voir les lavandes aussi. Bah ouais, bon. Alors, certes, vous n'êtes pas astrophysicien, mais il apparaît assez clair que dans le système solaire, il n'y a personne sauf nous, hein. Mais qu'en dehors des systèmes solaires, il y a peut-être quelqu'un d'autre. Quel est votre regard sur cette hypothèse qui peut tenir debout, après tout? Alors, la question, c'est la question de la vie extraterrestre, et ça, elle est à nouveau réévoquée avec la découverte des exoplanètes. Mais, si vous voulez, le type de d'hypothèses qui sont avancées par rapport aux exoplanètes diffère largement, en fait, des types de récits qu'on peut avoir sur des rencontres dites du troisième type avec des extraterrestres qui ont des grandes oreilles. Et, là, c'est plus prosaïque, hein, du côté des scientifiques. Dans ce livre, il y a un schéma qui est intéressant d'un ufologue dont on a parlé dans ce récit à propos de Monsieur Masse. Alors, c'est quoi ce schéma? C'est un exercice difficile. Nous sommes en radio. Vous allez devoir. Alors, il faut dire, ça a été dit déjà un peu, hein, que l'affaire de Valensol a été très largement reprise par les ufologues, notamment un ufologue qui s'appelle Aimé Michel, qui a été mentionné, et qui a fait un article dans une revue sur les soucoupes volantes, et avec un petit schéma dans lequel on voit un tracteur, il y a un petit muret derrière lequel aurait été Maurice Masse, et puis on le voit traverser son champ, en fait, de lavande avec un petit schéma de soucoupe volante. Et donc cet article, en fait, a été largement repris, notamment dans l'ufologie, par les Américains, et c'est ce qui a fait la notoriété de l'affaire de Valensol aussi. Aujourd'hui, alors on a dit dans les années 60, l'ufologie a le vent en poupe, on est plus enclin à rêver, peut-être qu'on l'est un peu moins aujourd'hui dans un monde qui est plus dur, je ne sais pas. Est-ce que l'ufologie aujourd'hui se fait entendre? Est-ce qu'elle est crédible? Est-ce qu'il y a des adeptes? Comment se porte l'ufologie? Alors, il y a d'abord, il faut dire qu'il y a toujours des témoignages qui sont recueillis de gens qui ont vu des choses inexpliquées dans le ciel, et notamment parce que, par exemple, vous avez des phénomènes un peu nouveaux qui créent ces témoignages. Par exemple, vous avez ce qu'on a appelé les lanternes thaïlandaises. Oh, vous savez, que ce sont des lumières qu'on allume et qui s'envolent comme ça dans le ciel et qui se déplacent de manière linéaire. Donc, si vous en avez trois, vous avez l'impression, en fait, que ce sont les feux, en fait, d'un vaisseau spatial. Et donc, il y a eu beaucoup de cas de lanternes thaïlandaises qui ont été rapportés parce qu'on ne savait pas ce que c'était, on pensait que c'était un vaisseau spatial. Donc ça continue, on continue à rassembler témoignages donc, de façon crédible et bienveillante, j'espère. Il y a toujours des témoignages. Bienveillants, j'espère, quand même, hein, parce que les gens qui ont vécu ça, ils ont besoin de le dire. Voilà, sachez que tous les ans, Valensol célèbre la rencontre, en tout cas au mois de juillet 2015, pardon, Valensol a célébré les 50 content de l'anniversaire de la rencontre, comme quoi évidemment pour eux c'est important, et pour nous aussi, c'est pour ça qu'on avait décidé de s'y arrêter le temps d'une émission. Merci infiniment Arnaud Vesqueret. Au revoir. Au revoir. C'est Affaires Sensibles aujourd'hui, l'apparition de Valensol, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Jérémy Guillon qui était à la technique aujourd'hui.